My name is Bruce Wayne, and I'm the fastest man alive. Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 65e numéro de Sur nos écrans. C'est la rentrée pour tous les podcasts. Sur nos écrans fait donc aussi son retour toutes les semaines désormais. Et pour commencer cette nouvelle saison, nous allons vous faire le débrief de la première saison de Outcast qui a été diffusée dans l'été sur Cinemax. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 65e numéro de Sur nos écrans. Pour parler de Outcast, Arnaud. Salut. Et c'est tout. Puisque nous sommes les deux seuls à avoir vu la série. Série donc diffusée, je le disais avant le générique, sur Cinemax durant l'été. Ça a dû se terminer fin juillet, quelque chose comme ça. Non, ça vient de se terminer. Ah, ça vient de se terminer, d'accord. J'ai l'impression que j'avais le final depuis je sais pas combien de temps. Et en fait, non. Moi, ça a dû finir en août, je crois. Ok. Le 12 août. Et diffusé sur OCS en France. Ouais. Là, par contre, je dis pas de conneries. Non, en US plus 24, tout comme Preacher, qu'ils ont diffusé d'ailleurs cet été aussi. Donc, bah, très bien, du coup, on peut vous en parler en l'ayant vu de manière légale, et ça, c'est cool. C'est tellement enfin, rare. Voilà. Ça, oui, voilà, c'est l'US plus 24, c'est le genre de choses quand même qu'il faut soutenir parce que c'est quand même une bonne initiative. Il n'y a pas que Walking Dead qui a droit à ça et Game of Thrones. Voilà, c'est de plus en plus présent et c'est très bien comme ça. Outcast, donc, série, bah, on parlait de Walking Dead, Outcast, série inspirée du comics du même nom de Robert Kirkman et dessinée par Paul Azaceta, Robert Kirkman qui est donc le créateur de Walking Dead. Comics que tu as lu au moins pour le premier tome. Ouais, j'ai lu que le premier tome. On pourra peut-être en dire deux mots tout à l'heure, à un moment, quand on parlera de la fidélité de l'adaptation, puisque c'est quelque chose d'important pour cette série, puisque tu l'as lu et que j'ai lu les deux tomes, moi, personnellement, qui sont sortis chez Delcourt, donc on pourra en parler. Comme d'habitude, la saison est terminée, on va donner notre avis rapide en deux phrases sur cette première saison de la série. Vas-y. Bah, c'était une bonne surprise. Comme je l'ai dit, j'avais lu que le premier tome, donc je savais déjà quoi ça allait parler. Le ton du comics, mais j'avais peur justement d'une telle adaptation. En plus, d'après ce que j'ai lu, ça fait des années qu'ils tentent de le faire, et peut-être pas des années, mais ça fait un moment qu'ils tentent de l'adapter et se sont vus confrontés à pas mal de murs. Et là, l'adaptation est vraiment très bonne, et surtout, c'est très prenant. Surtout que j'ai lu que le premier tome, et la première saison... va plus loin que le premier tome. Je sais pas après s'ils inventent certaines choses ou pas, mais ça va plus loin que le premier tome. Et j'étais très surpris. Que ce soit même au début de la saison, j'étais très, très surpris par certaines choses. Que même si j'étais au courant, ça a très bien fonctionné sur moi. Donc c'est tout simplement une très bonne série, très bien exécutée. Ouais, pour ma part aussi, j'ai été, moi dès le pilote, hein, je me suis dit, ok. Là, on a quelque chose qui va être bon. J'ai pas voulu la regarder parce que je devais la regarder, mais vraiment parce que j'en avais envie, parce que je pense que ça fait partie des séries qui font plaisir à regarder parce qu'elles sont bien faites, parce qu'elles sont bien jouées, parce qu'elles sont plutôt bien réalisées. Même le générique est super sympa. Et il y a un générique, et c'est assez rare à l'époque actuelle dans les séries pour être souligné. Il y a un vrai générique bien fait, très, très glauque. Enfin, voilà, tout à fait dans l'ambiance de la série. Ça va plus loin que le premier tome, et je dirais même ça va plus loin que le deuxième tome aussi, sorti chez Delcourt. Donc, pour les lecteurs français, vous avez plus d'infos dans la série que ce que vous avez pour le moment de sortie dans le comics. Donc, faites attention. Le tome 3 traite des événements de la fin de saison, notamment. Voilà. Le tome 3 qui n'est pas encore sorti donc en France. Donc à prendre avec des pincettes, c'est à vous de voir. Bien, Outcast, ça parle de quoi ça c'est Kyle, hein, son prénom. Oui. C'est Kyle qui vit dans la ville de Rome. On comprend très vite qu'il est arrivé quelque chose avec sa femme. Il est privé de sa fille, sa femme est partie. On comprend qu'il y a eu un événement dramatique qui s'est noué entre ces personnes-là. Et puis... on va vite rentrer dans le vif du sujet avec la première scène, un enfant qui a un comportement complètement étrange, Parce qu'il s'avère être tout simplement possédé. Et on va très vite voir que tout ce qui se passe dans la vie de Kyle a un rapport avec la possession. Que ce soit sa mère, l'histoire avec sa femme et le fait que sa fille soit éloignée de lui, tout ça, tout dans sa vie tourne autour des personnes possédées et des démons. Et donc, du coup, de l'exorcisme. Ouais. Je disais, en rentrant rapidement dans le vif du sujet, c'est dès la première scène, qui est pour le coup très fidèle à ce qu'on peut voir dans le livre, et qui, Effrayante. je crois, a eu un effet certain sur toi. Oui, elle est très effrayante et même plus, comment dire, plus Ça va plus développée loin. que dans le comics. Ça va plus loin, ouais. Ouais, dans le comics, c'est une ou deux pages. Là, ils prennent bien leur temps et justement, c'est quelque chose qui est très caractéristique de la série, c'est que le rythme est très lent, Ah très oui. posé. Ah bah Ils prennent le... si vous critiquez The Walking Dead pour son rythme lent, voilà, vous allez pouvoir faire le même Là, reproche à ouais. Outcast. Alors que là, je trouve que autant dans The Walking Dead, puisque tu t'en parles et c'est le même créateur derrière, autant dans The Walking Dead, des fois, tu peux vraiment sentir une lenteur qui est mise. Parce que c'est le ton de la série, ils sont un peu obligés, mais il n'y a pas forcément de nécessité de l'avoir. Et en plus, parfois, ils peuvent vraiment basculer tout autour avec un rythme effréné d'un seul coup dès qu'un zombie apparaît. Alors que là, vraiment, la lenteur est vraiment Tout est constante lent, oui, tout est lent, oui. pour tous les personnages. Et c'est pas déplaisant. Ils prennent vraiment le temps de mettre en place les choses. Et quand tu as un tel univers, si glauque, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment des moments assez particuliers, ça fait du bien de vraiment prendre son temps et de pas tout mettre d'un seul coup et débrouillez-vous avec toutes les infos qu'on vous donne. Je me rappelle de cette première scène dans le comics quand j'avais lu. On peut la raconter, hein, cette scène de Joshua, un petit garçon qui va dans le frigo familial, prendre un paquet ou dans le placard, prendre un paquet de chips. Enfin, parce que pourquoi les chips seraient dans le frigo après tout. Qui met les mains dans le paquet, qui mange et qui est. On sent qu'il y a un truc qui va pas avec ce gosse-là et on s'aperçoit très vite qu'en fait il est en train de se manger les doigts. Enfin, parce qu'il a fini le paquet de chips et qu'il a encore faim et qu'il est en train de s'attaquer la chair. Et donc on voit bien ses doigts sanguinolents, les os apparents, etc. Et je me disais, voilà, cette scène-là m'avait quand même beaucoup marqué. Pourtant, c'est avec 2 pages, effectivement, dans le comics. Et je me suis dit, est-ce que la série va réussir, dès cette première scène, comme le comics l'avait fait, à me happer, à me choquer même un peu? Bah oui, Déjà, parce qu'on a ça visuellement, on a même un peu plus. Là, tu le disais, ça va même encore un peu plus loin dans l'horreur visuelle. Donc, bah oui, c'est ils ont réussi. rajouté l'ouverture avec le papillon qui déjà Ouais. surprend. Voilà, dès le début, voilà, effectivement, on est. Le ton est donné. Ouais, le ton est donné, ouais. Donc, voilà, très réussi de ce côté-là. Et puis, le pilote en lui-même, à part cette petite ajout, justement, sur la première scène, tout le reste du pilote Et est un fidèle. copier-coller du premier épisode du comics qui faisait une quarantaine de pages, même dans les dialogues. C'est-à-dire que si vous avez le comics VO, que vous regardez le pilote en VO, les répliques sont pour un bon nombre d'entre elles les mêmes. Et pourtant, tu le disais, toi qui avais lu, tu arrives quand même à être accroché et à être surpris. Oui, on sent pas du tout, on sent pas une redite ou quoi que ce soit comme on pourrait s'y attendre quand c'est un copier-coller. Et alors qu'au contraire, moi j'étais vraiment happé du début à la fin de ce pilote qui dure un peu plus de 50 minutes. Et j'étais même surpris d'ailleurs que ce soit uniquement le premier numéro du comics. Oui, c'est Je juste le pensais premier qu'ils en numéro. avaient fait d'autres, qu'on était déjà passé à deux, trois numéros. Alors qu'en fait, c'était uniquement le premier, ils ont réussi à faire tenir ça en 50 minutes. Voilà, parce qu'effectivement, il y a ce rythme, il y a cette lenteur, et c'est quand même une vraie prouesse, parce que on sait tout ce qui va se passer dans cet épisode. Quand on comprend que c'est un copier-coller pur du premier épisode, on sait tout ce qui va se passer. Et pourtant, on est pris jusqu'au bout. On regarde jusqu'au bout et on arrive même à être surpris ou choqué par moment. Et ça va être le cas pendant toute la saison parce que toute la saison est comme ça. Elle est calquée sur un peu plus que les 2 premiers tomes, on va dire les 3 premiers volumes de la série papier. On sait, mais pourtant, on continue à regarder, on continue à être accroché, on revient à chaque épisode et ça marche à chaque fois. Oui, c'est une vraie prouesse d'avoir réussi. C'est dans, je sais pas, c'est dans la qualité d'écriture des personnages, dans leurs interactions qui paraissent logiques, j'ai envie de dire, contrairement à d'autres séries. Ça paraît logique, C'est tout vrai. ce qui se déroule, la manière de penser ou autre. Et cette analyse de, parfois, de l'esprit humain qui peut être lui-même tordu sans qu'il y ait de manifestation fantastique ou non. Et ça, dans le fantastique, on sent une part de réalité qui réussit à nous accrocher. Donc, voilà, on a cette fidélité qui fonctionne, mais il y a, enfin, voilà, si ça marche, c'est oui, grâce à la réalisation, mais aussi grâce aux acteurs. Bah oui, déjà rien quand j'ai vu Philippe Glenister annoncé au casting, le révérend, il n'est pas photo, c'est un très grand acteur. Hein. Ouais, le révérend est effectivement pas mal du tout. J'ai oublié complètement le nom de celui qui joue Kyle, qui est aussi. Patrick Ouais, Fugit, je c'est sais ça, pas comment Fugit, ça se ouais. Ouais, voilà, prononce. Patrick, on va dire Fugit, ouais. Qui est pas mal lui non plus. Moi, je le connaissais pas, j'avais jamais vu ce mec-là. Mais il est pas très connu. Et Et belle il a vraiment. prestation. Et même en regardant dans la série, on a vraiment l'impression de voir le dessin de Kirkman. Je trouve qu'il ressemble énormément au De personnage de Azazeta, tu veux papier. dire. Comment? Le dessin, c'est Azazeta. Oui. Oui, c'est Je trouve vrai, qu'il ressemble il y a un petit air vraiment au vers personnage. Il y a un petit air. Ben, comme pour le révérend aussi, hein, enfin, je veux dire, au niveau du casting, même au niveau du casting, visuellement, ils sont rapprochés de ce qui avait été designé par Paul Azazeta. Et on va même, si on veut parler de l'aspect visuel, on va même encore plus loin avec des scènes à l'écran qui sont des swipes parfaits des pages de certaines cases un peu emblématiques, notamment celle au-dessus du lit avec Joshua. Quand il est assis en tailleur, qu'il attend Kyle, etc. Enfin, voilà, il y a des moments qui sont bah, juste des copier-coller purs et simples des cases de comics. Et finalement, la BD, là, elle sert de storyboard pour la série. Enfin, voilà, c'est flagrant. Là où il se permet d'inventer et de partir un petit peu, de dévier avec sa série de zombies, là, pour le coup, il a voulu nous faire quelque chose de fidèle à 100%. Problème de The Walking Dead, c'est qu'il n'est pas impliqué dedans. Il Ben. ramasse son petit chèque à la fin de l'année. Et c'est tout. Bah, Avant, il écrivait un épisode par saison et depuis genre la saison 4, il écrit plus du tout. il ferait bien de s'impliquer un peu plus alors, quand on voit ce que ça donne quand il est Du coup, impliqué. il a délaissé pour Outcast. Bon, du coup, on a réussi à on a récupéré une belle On a série. Hein. gagné au change. Voilà, c'est pas grave. Hein. Au niveau de l'intrigue, que dire, enfin voilà, on est dans quelque chose de très classique. Hein. Enfin, au niveau des histoires de possession, démoniaque, etc., des exorcismes. Ça va pas révolutionner le genre. Enfin, en tout cas, j'en ai pas le sentiment. Encore que ce qu'on peut découvrir avec sa fille sur la fin de saison, voilà, peut Non, mais j'ai approuver. quand même aimé le fait. Je suis pas un grand amateur de ce genre de film, donc j'ai pas vu non plus tout ce qui est sorti. Mais j'ai bien aimé le fait que souvent dans ce genre de film d'horreur, parce qu'il y a peu de séries sur la possession, quand il y a une histoire de possession, souvent il y a toujours une histoire avec la famille de la personne qui vient déposséder, il y a une tragédie ou je ne sais quoi. Et justement, ça lui permet de se souvenir de cette tragédie et, entre guillemets, de se soigner. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est aussi qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier avec elle. C'est vraiment, il y a une raison pour laquelle ils sont attirés. C'est pas juste le pur héros américain qui veut sauver sa ville ou aider ou je ne sais quoi. Il y a vraiment une raison, et même une raison assez égoïste, pour laquelle il fait ça. Et une raison pour laquelle ces démons possèdent des gens autour de lui. Et j'ai vraiment aimé cette idée de vraiment il est au centre Ah bah oui, de l'histoire et pour une clairement. raison particulière. Hein. Et comme ils le disent lui-même, certes, ils veulent sa lumière, même si on sait toujours pas vraiment ce que ça veut dire, ils veulent sa lumière, mais il n'est pas non plus complètement éloigné d'eux, puisque comme il le dit, comme je sais plus qui le dit, le mec avec son chapeau, Sidney, je crois. Ouais, Sydney, ouais. Lui, comme il lui dit, tu viens du même endroit que nous. Donc il y a quelque chose qui les lie, Oui, même si lui est différent, et quelque chose qui les lie, lui et les démons. puisque à la fois il leur donne leur énergie, mais en même temps il est le seul à capable de les détruire et de les chasser. Donc il y a une espèce d'opposition là entre les deux qui est assez. La fois position et opposition et comme pas un rapprochement, mais un lien Ouais, il y a entre les quelque deux. chose. On ne sait pas ce que c'est très mystérieux. Enfin, c'est comme cette histoire de, enfin, voilà, tous ces gens qui sont possédés, on comprend bien qu'ils sont pas possédés au hasard, etc. Comme s'il y avait une machination derrière ça, alors que Après, ils sont. comme si les esprits étaient manipulés pour habiter certaines personnes parce que Oui. et c'est quelque chose d'assez mystérieux et d'assez difficile à intellectualiser, ça, puisque c'est a priori quelque chose qui peut paraître plutôt aléatoire, etc. Mais là, non, dans ce cas-là, tout a l'air d'avoir une Calculé. raison. Même le fait, enfin voilà, comme si les esprits étaient dirigés pour aller vers telle ou telle personne. Et voilà, c'est très très mystérieux. Même après une saison, finalement, on ne sait On pas sait pas grand-chose. grand-chose. Ouais. Et ce qui était, je trouvais très intéressant sur la fin de saison également, c'était de plus ou moins essayer de nous mettre dans la peau d'une nouvelle personne possédée, nouveau démon qui arrive sur Terre comment elle s'appelle, Megan, et se trouve possédée dans le final. Et que justement, on suit son parcours avec ce nouveau démon qui, comme une sorte de nouveau-né, découvre le monde et est complètement attaqué, agressé A par peur de notre tout, monde. voilà, a peur de tout, va chercher comme une personne normale quelque chose pour Comme un enfant au le final, et suivre. avec cette dame-là qui s'occupe d'eux, avec son mari, qui est là comme une infirmière à s'occuper d'eux. Et c'était intéressant justement de nous montrer le point de vue des démons sur comment ils arrivent dans notre monde, et pas juste les montrer comme des Bah, des gens vilaines qui... créatures qui veulent Ouais, c'est ça, ouais. posséder, faire le mal. Il y a quelque chose derrière. À la fois, ils sont peut-être même contraints, on ne sait pas, par Signé ou une autre entité de venir sur Terre, que ça leur plaise ou non. Enfin, il y a quelque chose. C'est pas non plus tout blanc et Bah noir. c'est Il y ouais, a ce que je voulais dire, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il n'y a rien de quelque manichéen dans chose. cette il y a rien de manichéen dans cette série. Que mais, Kyle, il est plutôt du bon côté, mais bon, le révérend, pour un révérend, il est quand même assez borderline par moment. Ah oui. Voilà, il y a rien d'effectivement figé. Tout est gris, tout est en nuances de gris dans cette série, et rien n'est définitivement du bon ou du mauvais côté. On est en permanence sur le fil et en train de passer d'un côté et de l'autre. Et avec ce rythme un peu lent, etc., c'est ça finalement qui nous entraîne de bout en bout d'un épisode et même de la saison. Exactement. Donc voilà, en fait, j'ai pas trop envie d'en dire sur l'histoire parce que quand on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on a vécu dans ces 10 épisodes? Il s'est pas passé énormément de choses. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'actions, beaucoup d'événements, etc. On est plus dans un développement de personnages sur la longueur, dans des choses un peu voilà qui prennent le temps de s'installer, etc., qu'une grande succession d'événements. Et au final, on n'a pas vécu trop de choses. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler de l'histoire parce que j'ai peur de trop en dire. C'était plus une sorte de longue introduction, j'ai l'impression, comme si ils ont vraiment voulu poser les personnages. Déjà, l'aspect mythologique est arrivé assez tard dans la saison. Au début, on a quelques références avec Kyle et sa lumière, que les démons veulent lui voler, etc. Mais sinon, pendant plusieurs épisodes, on n'a que ça à se mettre sous la dent au niveau mythologie. Et au milieu de saison, ça disparaît un petit peu, on n'entend plus trop parler, et ça revient en fin de saison. Peut-être pour laisser plus de place au développement, comme tu disais, de la psychologie des personnages, et vraiment nous présenter les personnages, comment ils fonctionnent, et peut-être nous montrer toute la palette de leurs possibilités, comme tu disais avec le révérend, il passe vraiment d'un extrême à un autre. C'était peut-être pour nous montrer vraiment l'ampleur de tous ces personnages-là, et ensuite revenir vraiment à l'histoire même en fin de saison avec la mythologie qui s'installe et qui à laquelle on commence à avoir des bribes d'informations. On commence à entrevoir certaines choses de la mythologie qui va sans doute être développée plus tard dans la saison 2. Oui, C'était plus une grosse introduction. parce que concrètement, enfin, une histoire comme ça, une série comme ça, on peut se dire, bon, bah voilà, 10 épisodes, c'est bien, on a tout raconté, on va pas, enfin, on peut s'arrêter là, quoi. 10 épisodes, c'est largement suffisant pour parler de possession démoniaque et d'exorcisme et Oui. compagnie. Mais effectivement, il y a beaucoup plus d'ambition que ça derrière, et ce qu'on a vu là ne semble effectivement être qu'une installation, et il y a quelque chose de beaucoup plus vaste derrière, et on l'entrevoit. On l'entreaperçoit à la fin, notamment avec cette dernière scène à la station-service dont on n'a pas parlé. Mais voilà, c'est là qu'on comprend que bah oui, effectivement, ça va beaucoup plus loin et que bah, ils sont loin de nous avoir tout raconté. Exactement. Et on sera là pour la suite. Ah bah moi aussi, clairement, ouais, c'est un de mes coups de cœur de l'été, cette série. Alors ça fait du bien hein, déjà de pas avoir 50 millions de séries à regarder pour tout l'été. Déjà, c'est quand même une chose qu'on peut dire. Enfin moi, ça a été très rafraîchissant de faire une pause, de ne pas aller au cinéma non plus parce que Suicide Squad, je l'ai zappé. Voilà, ça a fait vraiment du bien et du coup, bah je n'avais que ça et Preacher en termes de séries comics. Et bah du coup j'ai pu les regarder comme elles méritaient d'être regardées. Après, est-ce que j'ai aimé Preacher, ça on en parlera plus tard. C'est pas encore le cas, c'est pas encore aujourd'hui. Mais voilà, pour Outcast, en tout cas voilà, je suis content qu'elle ait été dans l'été où il y avait rien d'autre et où on peut vraiment en profiter et lui consacrer un peu toute de l'attention. Je pense qu'une série comme ça en cours de saison, en saison classique, en hiver ou etc. On serait peut-être passé à côté parce que justement c'est lent et qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de prendre notre temps pour regarder ça. C'est pas faux, il convient peut-être mieux à l'été. Donc du coup c'est très bien qu'ils aient choisi ce mode de diffusion. J'ai hâte que la saison 2 arrive, ça c'est clair. À elle seule, elle va justifier que je puisse garder OCS un an de plus. Enfin un an de plus. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses qui passeront sur OCS voilà, sur toute l'année. Mais voilà. Ouais, non, ouais, c'est un de mes gros gros coups de cœur de l'été et même de l'année, hein, puisque enfin on a parlé hein, de la déception des séries récemment, on a parlé de séries Netflix, bah voilà, on a aussi Outcast qui s'installe et qui est très très très prometteur comme projet. Maintenant, ça risque de pas plaire à tout le monde. Nous, ça nous a plu, voilà, parce qu'on aime peut-être aussi le développement des personnages, enfin des histoires qui nous proposent des personnages qui se développent, qui prennent le temps de s'installer et qu'on parle plus de relations, de psyché, etc., de personnages plutôt que de voir de l'action à tout va. Les gens qui cherchent pas ça, ben vous trouverez peut-être pas votre compte là-dedans. Si vous cherchez aussi à voir des exorcismes à tous les épisodes, des scènes trash, etc., à tous les épisodes. Pas forcément non plus. Le trash n'est pas ou le choc n'est pas que visuel dans cette série. Donc du coup, voilà, c'est une petite mise en garde aussi parce que nous, ça nous a plu. On est unanime, mais on n'est que deux. Et du coup, peut-être que si on avait été trois, bah la troisième personne aurait complètement détesté et j'aurais tout à fait pu le comprendre en plus. Ouais, c'est sûr. Je connais des gens qui ont démarré la série, qui ont adoré le pilote et les premiers épisodes, et qui ont fini par se lasser et qui n'ont pas forcément terminé la saison. Ah bah de toute façon il n'aurait pas fallu plus beaucoup plus que 10 épisodes parce que voilà hein, ça aurait été long et ça aurait été ouais peut-être un peu trop donc 10 c'est très très bien pas plus mais on verra sur la saison 2 je pense qu'a priori ce sera 10 épisodes aussi. Maintenant ce qui m'inquiète c'est que en termes de matériel papier on n'a plus beaucoup enfin on n'a même presque plus rien donc sur quoi ils vont se baser pour cette saison 2 Parce c'est que même en VO, il n'y a que 3 tomes de sortie. Ben, en VO, on n'est pas. Ben, je vais regarder. Du coup, je vais faire une vérification tout de suite. Mais il me semble qu'on n'est pas très très très loin. Après, c'est Kirkman, donc il sait où il veut aller dans les comics. Ouais, mais du coup, ça. Ça spoil les lecteurs. C'est ça. S'il raconte la série, s'il Et raconte tout c'est dans la. le même problème que les fans de Game of Thrones ont, puisque la dernière saison diffusée est en avance sur les bouquins. Ouais. Donc il y a eu le même problème. C'est le problème des adaptations actuelles où les œuvres ne sont pas encore terminées. Voilà, on arrive là, on va arriver en décembre, à la fin du quatrième tome. D'accord. Donc ils ont le temps de sortir un cinquième avant la diffusion. Ouais, donc Voire voilà. sixième peut-être. Moi, je suis pas sûr sixième, mais cinquième, en tout cas, oui, parce que ça va nous mener jusqu'à juin. Mais après, pas plus, quoi. Donc du coup, voilà, c'est. Il y a aussi ce problème-là sur cette série que voilà, il y a un moment où peut-être on va être pris par le temps et ils vont peut-être devoir attendre un peu avant de faire une saison 3. Peut-être. À voir. Ou alors ça s'arrêtera là, parce que peut-être que ça sera terminé au 24 ou au 30, puisqu'on est à la fin du 5e TP, et on ne le sait pas, hein, parce que c'est pas forcément prévu pour aller sur 150 épisodes. Ça se trouve, deux saisons suffiront pour raconter tout le comics, parce qu'il va s'arrêter aussi. Peut-être. C'est possible. Bref, en tout cas, regardez Outcast, découvrez la série. La saison 1 est entièrement diffusée maintenant. Alors, pour la trouver sur le replay d'OCS, c'est un peu compliqué parce que les premiers ne sont plus dessus. Il doit Mais rester ça que. sera diffusé dans les prochains mois. En tout cas, ça sera diffusé en VF puisque là, on est sur la VOST en US plus 24. Mais du coup, il va y avoir une autre diffusion en VF, sans doute sur OCS, mais sur d'autres chaînes aussi, un peu Plus plus. tard, pour l'instant, c'est eux qui ont Un l'exclusivité. peu plus gratuite, mais voilà, il faudra attendre un petit peu. Mais en tout cas, voilà, quand ça repassera, ne la ratez pas parce que voilà, elle vaut vraiment le coup. C'est vraiment autre chose dans l'univers des adaptations de comics, ne serait-ce que par sa fidélité. Et voilà, on a la preuve qu'on peut être fidèle à un support et rester passionnant. Et on en avait besoin de cette preuve-là. On avait un peu tendance à ne plus y croire en voyant les derniers projets. Donc du coup, c'est très très bien que ça se passe comme ça. Allez, on va pas tarder plus que ça. La semaine prochaine, sur nos écrans numéro 66, qui va être bah, l'inauguration d'une émission d'un nouveau genre, d'une des nouveautés de la rentrée du côté de sur nos écrans. Ce sont nos émissions rétro qu'on va vous faire à peu près une fois par mois. On va revenir sur des choses qui ont été diffusées avant la création des podcasts et dont pourtant on aurait bien envie de vous parler. Et du coup, la semaine prochaine, on va vous parler de The Flash, mais pas The Flash avec Grant Gustin, The Flash de l'année 1990. Là, il y a eu une saison qui avait été diffusée à l'époque. On vous parlera au moins du pilote, et puis pour ceux qui en auront vu un petit peu plus, on vous parlera un petit peu plus de cette série. Mais voilà, on avait envie de vous parler de cette série avant que la troisième saison débarque sur CW. Donc c'est pour la semaine prochaine, notre premier rétro qui sera consacré à la série The Flash de 1990. Et puis dans 2 semaines, on vous fera le bilan de Preacher. D'ici là, on se retrouve mardi pour le mag. Les Infinite Wars continuent chaque samedi et dimanche, 2 rounds par week-end, pendant tout le mois de septembre, avant d'avoir la finale et de savoir enfin qui a gagné, que le vainqueur dans l'équipe puisse exulter librement, parce qu'il se retient pour le moment. Voilà, on se retrouve jeudi pour The Flash, mardi pour le mag et ce week-end pour les Infinite Wars. D'ici là, je vais dire bon été, mais non, c'est fini. Bonne semaine et à bientôt. Salut.